J'ai vu Jésus avec sa guitare. Il avait les pieds nus et fumait un pétard. Spirituel, spirituel, en teint blanc, laissons parler.